13h21, vous écoutez France Inter et tout de suite on retrouve Patrick Pruneau avec ses rendez-vous avec X. La mer est belle, le ciel exceptionnellement bleu. Le petit bateau quitte le port, c'est la dernière partie de pêche de la saison. Septembre approche, demain, tous repartiront à Londres. Il est un peu plus de 11 heures, le Shadow 5 s'éloigne lentement. Les passagers découvrent peu à peu la baie de Donegal. Au-dessus de la côte sauvage et déchirée, se dresse la silhouette massive du château de Cressybourne. Il y a maintenant 35 ans que Lord Louis, comme on l'appelle ici, vient passer ses vacances d'été dans cette splendide résidence irlandaise située à seulement quelques miles de la frontière avec l'Ulster. Le bateau s'approche d'une bouée surmontée d'un drapeau qui signale la présence d'un casier à homards. Le Shadow 5 ralentit. À bord, on s'apprête à relever le casier. Le moteur est au point mort. À l'aide d'une gaffe, un des passagers accroche le filin du casier. Un autre commence à le hisser. Et soudain, alors que le casier touche la coque du bateau, c'est l'explosion. Terrible. Le Shadow 5 vole en éclats. Ses passagers sont précipités à la mer. Certains, déchiquetés, sont déjà morts avant de toucher l'eau. C'est le cas de Lord Louis, qui a eu les deux jambes arrachées, mais aussi celui de Nicolas, son petit-fils, âgé de 14 ans, et de Paul, 15 ans, un ami de ce dernier. À terre, on a entendu l'explosion. Certains ont même assisté à la destruction du Shadow 5. Immédiatement, des embarcations sont mises à la mer. Les blessés sont recueillis. La fille de Lord Louis et son mari, la mère de celui-ci, et encore Timothy, le frère jumeau de Nicolas. Tous sont grièvement touchés. Lady Bradbourne, la belle-mère de la fille de Lord Louis, mourra le lendemain à l'hôpital. La nouvelle de cet attentat provoque une immense émotion dans toute la Grande-Bretagne. Lord Louis est un des personnages les plus populaires du royaume, l'un des plus prestigieux aussi. Arrière-petit-fils de la reine Victoria, neveu du tsar Nicolas II, cousin des rois Édouard VII et George VI, parents avec la plupart des dynasties européennes, Lord Mountbatten of Burma, est aussi l'oncle du prince Philippe d'Édimbourg et de la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui l'appelait familièrement oncle Dickie. Mais pour les Britanniques, Mountbatten est d'abord un héros, l'un des principaux artisans de la victoire de 1945, et c'est ce personnage qu'on pleure. Le lendemain, la presse anglaise se déchaîne. « Sinistre salaud », titre le Daily Express. « Assassin », surenchérit le Daily Star. Car les auteurs de l'attentat se sont dénoncés eux-mêmes. Ce sont les Irlandais de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. Monsieur X a donc choisi cette semaine de me parler de cette affaire qui s'est passée il y a tout juste 20 ans, le 27 août 1979. Pourquoi ? Rappelez-vous, il y a deux semaines, il a ouvert un autre dossier, celui des fameux Irlandais de Vincennes. Et il m'a ainsi montré qu'en France aussi, on s'intéressait beaucoup aux allées et venues des terroristes irlandais qui dissimulaient certaines de leurs activités sur notre territoire. Patrick Pruneau, rendez-vous avec X. Lord Mountbatten est mort parce que c'était un symbole. Vous voulez dire qu'il personnifiait une certaine idée de l'Angleterre? À l'évidence, il n'y avait pas plus anglais que cet aristocrate fortuné allié à la famille royale. Et en disant cela, je ne diminue en rien ses mérites qui étaient réels. Mountbatten a été un marin courageux et un chef admiré par ses hommes. Oui. D'accord, mais cet anglais pur sucre avait quand même eu des problèmes à cause de son nom. Pas lui, son père. Ah oui. Mais c'est vrai que cette histoire a joué un grand rôle dans le destin de Mountbatten. Rappelez-moi. La famille était d'origine allemande. Les Windsor aussi. Hein. C'est juste, puisque le premier roi de la dynastie était l'électeur de Hanovre. Mais au début du siècle, le père de Mountbatten s'appelait encore Battenberg. et il était premier lord de la mer. Ouais, c'est-à-dire la fonction la plus importante pour un marin britannique. Oui, mais lorsque la guerre de 1914 a été déclarée, le gouvernement de l'époque a estimé que sa flotte ne pouvait pas être commandée par un homme portant un nom germanique, naturalisé, mais quand même né en Allemagne. Battenberg a donc dû démissionner. Et pourquoi ça a influencé le destin de Mountbatten? Parce que cette histoire a représenté un véritable traumatisme dans la famille. La famille qui va d'ailleurs rapidement angliciser son nom en Mountbatten. Hein. Oui, ouais. Et le jeune Louis, marin comme son père, n'aura de cesse de vouloir effacer cette injure faite à son nom et à sa famille. Et il y parviendra, puisque après la guerre, il sera nommé à son tour lord de la flotte. T'es donc un ambitieux, hein? Un jeune homme très volontaire, oui. Et qui va faire, vous le savez, une carrière militaire exceptionnelle. Une carrière qui commence pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il a 16 ans lorsqu'il embarque comme aspirant sur un croiseur de Sa Majesté. Et la suite, enfin, rapidement? Entre les deux guerres, ce jeune lord, élégant et séduisant, grimpe de grade en grade, sans pour autant oublier de mener une vie mondaine bien remplie. C'est en particulier un remarquable joueur de polo, le sport des aristocrates, s'il en est. Il fait aussi un beau mariage avec une fort jolie jeune femme, Edwina Ashley. Et la guerre arrive. Il commande alors un destroyer et participe à la campagne de Norvège. Là, il se conduit en héros. C'est-à-dire ? Son bâtiment, le Kelly, est touché par une torpille allemande. On lui ordonne d'évacuer le navire. Mais Mountbatten refuse et il reste des heures durant sur la passerelle jusqu'au moment où on peut lui jeter enfin une remorque. Et le Kelly est sauvé. Oui, Mountbatten revient au port avec son bateau. L'accueil est triomphal et le destroyer est réparé. Toujours avec le Kelly, Mountbatten participe ensuite à la campagne de Crète. Mais le destroyer est coulé par la Luftwaffe et Mountbatten et les rescapés se retrouvent sur un radeau de fortune. Où ils finissent par être recueillis. Oui, promu capitaine de vaisseau, Mountbatten est alors affectué au commandement d'un porte-avions. Mais soudain, Churchill l'appelle. Il lui confie la direction des opérations combinées. Les opérations combinées, qu'est-ce que c'est ça? Des premiers préparatifs du futur débarquement. D'ailleurs, Mountbatten sera à l'origine du premier débarquement, celui des Canadiens à Dieppe, en 1942. Un débarquement qui se termine très très mal. C'est juste. Ouais. Et Mountbatten sera en partie rendu responsable du désastre. À tort, à mon avis. Pourquoi à tort? D'abord parce que les avis de Lord Mountbatten n'ont pas été entièrement écoutés par l'état-major. Et surtout parce que les alliés tireront de précieux renseignements de ce débarquement raté. Et plus tard, en Normandie, ça sera bien utile. Mais à ce moment-là, Mountbatten sera bien loin. Où exactement? Dans le sud-est asiatique. Churchill lui a donné un commandement prestigieux, celui de toutes les forces alliées dans cette région. Et là, Mountbatten va donner la mesure de son talent de chef militaire, en galvanisant les troupes démoralisées et en renversant la situation face aux Japonais. Ouais, ce qu'on appelle une belle campagne. Tout à fait. Une campagne qui se termine à Singapour quand il reçoit la capitulation sans condition de plus d'un demi-million de soldats japonais. Mais enfin, la suite de sa carrière n'est pas moins intéressante. Ouais, c'est les Indes, c'est ça. Hein. Les Indes, oui. En 1947, le gouvernement travailliste le nomme vice-roi des Indes. Le dernier vice-roi des Indes. Pour lui, il s'agit donc d'organiser le départ des Anglais. Et surtout de préparer en douceur l'accession à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Et là encore, le marin Mountbatten, le dandy joueur de polo, va réussir. Il se lie d'amitié avec Gandhi, avec Nehru. Et il accomplit sa mission, ce qu'on lui reprochera dans les milieux les plus conservateurs. Et lui aussi, on va l'accuser d'être un bradeur d'empire. Oui, j'ajoute, mais ce n'est peut-être qu'un ragot que sa femme Edwina l'a admirablement aidé. Mais que voulez-vous dire ou insinuer? Ben, on a prétendu plus tard que la belle Edwina était du dernier mieux avec Nehru. Mais ça ne vous ressemble pas, ces ragots-là. Ben, que voulez-vous, de temps en temps, on peut se laisser aller, non? Et puis des biographes sérieux et nombre de journaux anglais ont répandu la rumeur, alors... Bon, allez, admettons, et après les Indes? Mountbatten va réaliser son rêve, son ambition suprême. Il est enfin nommé amiral de la mer. Il venge son père. C'est exactement ça. Ensuite, eh bien, Mountbatten mènera la vie classique d'un lord anglais fortuné. Il s'occupera d'œuvres sociales, fréquentera les meilleurs salons du royaume, jouera au polo, et goûtera les fruits de la gloire tout en assumant quelques fonctions officielles. Il était très populaire. Tout à fait. Et il était l'oncle de la reine, ce qui compte dans un pays aussi attaché à la famille régnante. Mais il avait la réputation d'un homme simple et plutôt progressiste. Mais là, moi, je ne m'avancerai pas trop. Ah, qu'est-ce que c'est, ce... Au début des années 70, dans les services, on a reçu une très étrange information. On a raconté ça? La Grande-Bretagne vivait alors une période très difficile. Il y avait des grèves, les attentats de l'IRA, mais de tout cela, nous reparlerons plus tard. Dans certains cercles conservateurs, on a pensé profiter de la situation pour déstabiliser le gouvernement travailliste. Et Mountbatten aurait joué un rôle dans ce scénario? D'après mes sources, oui. Lord Mountbatten aurait été pressenti pour prendre l'initiative d'un coup de force. Un putsch? C'est à peu près cela, oui. J'ajoute que la CIA et le contre-espionnage anglais n'étaient pas tout à fait étrangers à cette opération. Ouais, mais ça ne s'est pas fait. Enfin... Non, alors restons-en là. Oui, mais est-ce que ça aurait pu jouer un rôle, ça, dans l'attentat qui lui a coûté plus tard la vie? Honnêtement, je ne le crois pas. Mais allez savoir, quand les services sont impliqués dans une opération, ils ne lâchent pas facilement leur os. Ah, Sur la dernière allégation de M. X, je n'ai trouvé une confirmation que dans le livre de Roger Faligo et Rémi Koffer, consacré au maître espion, ouvrage paru chez Robert Laffont. Autre chose. À la fin du mois d'août 1979, 3 jours après la mort de Mountbatten, Hervé Chabalier, grand reporter au Matin de Paris, rencontre clandestinement un porte-parole de l'IRA provisoire. Il demande d'abord pourquoi l'organisation terroriste a choisi Lord Mountbatten comme cible. Réponse. C'était une grande personnalité. Il avait une stature de père pour les Anglais et le monde entier le connaissait. Son élimination ne pouvait pas passer inaperçue. Votre journal. Vous aurait-il envoyé ici si nous avions exécuté un homme de second plan? La presse internationale serait-elle venue à Belfast? Au moins, les journalistes présents ici pourront expliquer la situation de guerre qui existe et raconter dans quelles conditions économiques et de répression notre peuple est obligé de vivre. Chabalier demande alors si l'attentat contre Lord Mountbatten ne risque pas de dégrader l'image de l'IRA. Le porte-parole réplique ainsi. Écoutez, Mountbatten était l'un des fleurons de la famille royale et de l'impérialisme britannique. Avec tout le mal que nous fait et que nous a fait le sang anglais, lui venait en plus chez nous jouer les touristes pêcher à la ligne. Cet homme, il suffit de regarder les photos publiées sur sa vie, était le lord typique, cheval, décoration, croisière, il incarnait le British Way of Life. Son exécution symbolise justement notre opposition à ce British Way of Life. Donc vous n'avez pas de doute sur la responsabilité des Irlandais dans l'attentat qui a coûté la vie à Lord Mountbatten? Non, même si les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Mais je vais y venir, je vous le promets. Il faut en effet savoir que la date de l'attentat, le 27 août 1979, n'a pas été choisie par hasard. Et pourquoi alors cette date? C'était le 10e anniversaire de la reprise de la guerre civile en Irlande du Nord. Et aussi le 10e anniversaire de l'implication directe de l'armée britannique dans le conflit entre les communautés protestantes et catholiques. Donc une date parfaitement symbolique. Oui, il faut aussi savoir que ce jour-là, les Irlandais de l'IRA ne se sont pas contentés d'assassiner Mountbatten et des membres de sa famille. Quelques heures plus tard, ils ont aussi tué 18 soldats anglais. Leur camion a sauté sur 2 mines télécommandées. Et ensuite, des commandos de l'IRA les ont mitraillés. Une embuscade. Oui, un piège parfaitement préparé et exécuté. En totale synchronisation avec l'attentat contre Lord Mountbatten, il fallait frapper les esprits et l'opinion publique. De ce point de vue-là, au moins, les Irlandais ont réussi leur coup. Vous avez dit au début de cet entretien que Mountbatten a été tué parce que c'était un symbole. Un symbole du Royaume-Uni, oui. Mais il ne pouvait pas exister d'autres raisons? Si, le héros avait dans le passé montré aussi qu'il pouvait être une dureté implacable. Par exemple? Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été l'un des premiers chefs militaires à préconiser l'emploi de la bombe atomique sur le Japon. Il pensait, il l'a d'ailleurs écrit, que seul le feu nucléaire pouvait venir à bout de ces soldats japonais obstinés qui ignoraient la peur. Il a fini par être entendu, hein. Autre chose? Oui. Au début de l'année 46, il n'a pas hésité à envoyer la Royal Air Force bombarder la flotte indienne qui s'était mutinée. Un bombardement qui a quand même fait plus de 250 morts. Oui, peut-être, mais quel est le rapport avec les Irlandais? L'IRA était alors ouvertement tiers-mondiste et anti-impérialiste. Or, de toute évidence, pour les militants irlandais, le comportement de Mountbatten dans ces 2 épisodes avait été celui d'un colonialiste. J'avoue que je ne suis pas très convaincu, moi. Puis c'était des vieilles histoires. Oui, mais enfin, plus récemment, à la fin des années 50, Mountbatten était chef d'état-major de la Défense quand l'IRA a lancé une campagne de guérilla sur les frontières entre l'Irlande du Sud et du Nord. Or, dans ces années-là, la répression a été intense. Et même si c'était la police de l'Ulster qui était engagée, des éléments de l'armée sont venus lui prêter main forte. Donc pour l'IRA, Mountbatten était un ennemi. Assurément. Puis n'oubliez pas que Lord Mountbatten, malgré son âge avancé, faisait toujours partie du conseil privé de la reine. Un organisme qui avalise les grandes orientations stratégiques du royaume, donc de la politique irlandaise. Oui, il y a un moment où c'est maintenant l'armée britannique qui est engagée contre l'IRA. Tout à fait. Une armée de 20 000 hommes qui possède presque tous les pouvoirs de police et qui emploie des méthodes particulièrement musclées pour venir à bout des indépendantistes. Méthodes musclées illégales. Bien entendu. Des hommes ont été détenus sans raison et surtout sans les garanties juridiques dont doit bénéficier tout citoyen. D'autres ont été torturés. La Grande-Bretagne, il ne faut pas l'oublier, a été condamnée à la fin des années 70 par la Commission européenne des droits de l'homme. Pour des cas de torture ? Exactement. En outre, les Anglais ont systématiquement fait appel à la délation et ont promis l'impunité aux mouchards. Au fond, c'est le système des repentis. Oui, l'armée n'a reculé devant aucun moyen pour ses opérations de pacification, comme nous-mêmes nous disions en Algérie. Il faut aussi dire que Londres a envoyé là-bas les meilleurs de ses troupes, et en particulier les hommes du SAS, le célèbre Special Air Service. L'Irlande du Nord est donc alors plus que jamais une colonie anglaise. Bien sûr, puisque c'est Londres qui a choisi d'administrer directement les 6 comtés de l'Ulster. Et l'Irak commet alors des attentats particulièrement sanglants. Bon, il serait fastidieux de les énumérer tous, mais rappelez-vous par exemple Birmingham en 1974, 19 morts et des dizaines de blessés, ou encore Belfast en 1978, 14 morts dans un restaurant. Un cycle sans fin, bien évidemment, alimenté par la répression. Et donc on en arrive à 1979. Attendez, j'ajoute que les mouvements clandestins antiterroristes... Protestants, donc. Oui, ces mouvements parfois soutenus et armés par les services spéciaux ne sont pas moins féroces. C'est œil pour œil, dent pour dent. Songez qu'on a estimé que pour la seule décennie 70, 2000 personnes ont péri à cause de la violence politique. Mais comment expliquer que l'IRA ait pu résister à un tel déploiement de forces contre elle ? L'IRA était d'abord très bien organisée, militairement organisée. Et au sein de la population catholique, comme disait Mao, elle était comme un poisson dans l'eau. Sans compter qu'elle possédait des bases arrières en Irlande du Sud, malgré les pressions de Londres sur Dublin. Et on sait combien d'hommes appartenaient alors à l'IRA ? Difficile à dire, parce que pour mieux faire face à la répression, l'organisation s'est restructurée en 1978. Mais de quelle façon ? L'IRA était alors organisée comme une armée traditionnelle. Ça signifie que ses officiers étaient généralement connus de la population et de la région. Ils étaient donc vulnérables en cas de trahison ? Exactement. Alors l'IRA s'est restructurée comme toutes les autres organisations clandestines ou révolutionnaires, c'est-à-dire en cellules indépendantes les unes des autres. Oui, le principe du cloisonnement. C'est cela. Une cellule pouvait tomber sans entraîner les autres. Alors le nombre des militants, dans les services, on estimait qu'il devait être à peu près un demi-millier. C'est déjà beaucoup parce qu'en plus, il y avait les innombrables sympathisants. Mais en face, il y avait des milliers de soldats et de policiers. C'est juste. Mais l'IRA était une armée clandestine. Ces hommes, malgré les inévitables trahisons, étaient donc particulièrement difficiles à débusquer. Non, je voudrais qu'on revienne à l'attentat contre Lord Mountbatten. Excusez-moi. Oui, c'est rien. Mais est-ce que d'une certaine façon, cet attentat n'était pas prévisible, puisque vous l'avez dit à de nombreuses reprises ? Mountbatten était un symbole. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, nous avions eu connaissance d'un rapport de nos collègues britanniques, un rapport particulièrement lucide et prémonitoire. Et qui disait quoi exactement ? Il affirmait nettement que le terrorisme continuerait tant que les Britanniques demeureraient en Irlande du Nord. J'imagine que ce rapport n'a pas dû être accueilli très favorablement par le gouvernement de sa gracieuse majesté. Bien entendu, d'autant qu'il annonçait que la répression ne parviendrait pas à affaiblir sérieusement l'IRA. Mais il y avait encore plus important. Ce rapport annonçait clairement que des attentats contre de hautes personnalités étaient envisagés par l'IRA. Et ce rapport a été rédigé quand ? Au tout début 1979, quelques mois plus tard, le bateau de Lord Mountbatten sautait. Rendez-vous avec X. On peut se demander pourquoi un personnage éminent, aussi éminent que Lord Mountbatten, n'était pas mieux protégé. Surtout lorsqu'il passait des vacances en Irlande du Sud, où les hommes de l'IRA pouvaient agir avec aisance. Dans un livre d'entretien, l'ancien patron français du SDEC, Alexandre de Maranche, raconte une de ses rencontres avec Mountbatten en 1978, je le cite. « Je le mis en garde contre le danger que représentait pour lui, grand symbole de la monarchie britannique dans ce qu'elle a de plus noble et de plus courageux, le terrorisme, entre autres celui de l'IRA, financé en partie par Kadhafi. Devenant plus technique, j'expliquais à Lord Mountbatten que les gens d'en face utilisaient toujours le maillon le plus faible. Je veux dire par là que lorsqu'un objectif, c'est-à-dire une victime, avait été choisi, l'adversaire se livrait à une étude détaillée sur sa vie et ses habitudes, observée, souvent suivie, photographiée à son insu. Il arrivait même qu'un médecin, son vis-à-vis d'un soir, examinât ses ongles, son teint, etc., pour établir un diagnostic qui servirait le but de l'adversaire. S'il s'agissait d'un grand personnage, le maillon faible était l'endroit ou le moment qui se révélait être le défaut de la cuirasse. La petite embarcation sur laquelle Lord Mountbatten avait l'habitude de sortir en mer alors qu'il recevait l'été à Classybourne Castle en Irlande, ses enfants et petits-enfants, n'était pas constamment surveillée. Tandis que je le mettais en garde en évoquant les précautions qu'il se devait de prendre, l'illustre marin se mit à rire. J'en ai vu d'autres et je ne crains rien. Ce rapport des services secrets aurait donc dû alerter les autorités. Bien évidemment, d'autant que très vite, les révolutionnaires irlandais vont donner raison à l'auteur de ce rapport. En mars 1979, l'ambassadeur britannique aux Pays-Bas est assassiné. 8 jours plus tard, une voiture piégée saute dans le parking souterrain du Parlement britannique. Un attentat qui va avoir de redoutables conséquences. Pour quelle raison ? À cause de la personnalité du propriétaire de la voiture, mort dans l'attentat. Un homme que je connaissais fort bien. À qui, hein ? R.N. Yves. Un parlementaire qui avait longtemps travaillé dans les services secrets. C'est pourquoi vous l'avez rencontré ? Naturellement. Nive avait en particulier traqué les espions infiltrés parmi les réfugiés de l'Est. Et à l'occasion, nous avions échangé des informations. Il avait peu à peu rompu avec les services et s'était lancé dans la politique. Mais de quel côté ? Conservateur, bien sûr. Nive était un anticommuniste convaincu. Mais pourquoi les terroristes irlandais se sont attaqués à lui, précisément ? Pour deux raisons. Nive, au sein du Parti conservateur, était chargé des questions d'Irlande du Nord. Mais surtout, c'était l'ami et le mentor de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher qui allait devenir Premier ministre 2 mois plus tard et qui n'oubliera jamais. Vous voulez dire que la mort de son ami Nive va influencer sa politique en Irlande du Nord. Exactement. La Dame de Fer va désormais vouer une haine terrible, inextinguible aux indépendantistes irlandais. N'oubliez pas que l'année suivante, en 1980, elle laissera mourir 10 Irlandais qui faisaient la grève de la faim en prison afin d'obtenir un statut de détenu politique. Oui, une affaire qui a fait un énorme bruit. Oui, qui a contribué à redorer le lustre de l'IRA, bien assombri justement après l'attentat contre Mountbatten. Mais Margaret Thatcher n'en avait cure. C'était une lutte à mort qu'elle avait engagée contre l'IRA. Oui. D'ailleurs, les Irlandais s'en prendront personnellement à elle. Oui, en 1985, lors du congrès du Parti conservateur à Brighton, il y aura 4 morts. Mais la Dame de Fer en sortira saine et sauve. Pardonnez-moi, mais je crois que nous nous éloignons un peu là. Moi, j'ai du mal à croire qu'après ces 2 attentats de personnalités importantes, Mountbatten ne bénéficie pas d'une protection, d'autant qu'il passe ses vacances en Irlande. Oui, mais je dois quand même à la vérité de dire que le château et le bateau de Lord Mountbatten étaient surveillés par la police irlandaise. C'est pourquoi les terroristes ont choisi de piéger un casier à homard et non pas le bateau. Parenthèse. Tous les récits publiés après l'attentat font état d'une bombe placée à bord du bateau. Un seul journaliste, Roger Faligo, prétend au contraire, comme M. X, que l'explosif se trouvait à l'intérieur d'un casier à homard. Il en est fait rencontrer et fait parler l'un des membres du commando de l'IRA qui a participé à la préparation de l'attentat. Confidence publiée en 1980 chez l'éditeur Jean Picolec sous le titre « Nous avons tué Mountbatten ». Le terroriste raconte. Une nuit, une partie de l'unité s'est approchée en silence d'un des casiers les plus proches de la terre ferme. Une opération de commando. Un casier qui ne manquerait pas, en toute logique, d'être vérifié sur ce passage obligé à la sortie du petit port. Nous l'avons piégé avec 25 kilos de gélinite et un engin très complexe qui puisse être immergé dans l'eau grâce à un micro-dispositif de mise à feu au mercure qui exploserait quand on déplacerait le casier. Comment réagissent les Britanniques après un attentat aussi spectaculaire ? Ils engagent immédiatement la chasse à l'homme et ils font pression sur le gouvernement de Dublin pour qu'il coopère. Parce que l'attentat a eu lieu en Irlande du Sud, hein, que l'enquête est donc menée par ce pays d'abord. Oui, et Dublin, considérablement embarrassé par cette affaire, offre une récompense énorme. 100 000 livres sterling pour quiconque pourrait fournir des renseignements sur les assassins. Toujours l'appel à la délation. Oui, je crois vous l'avoir déjà dit, mais les Britanniques ont érigé la délation en système. En Ulster, par exemple, 20 de lignes téléphoniques étaient alors en permanence à la disposition des mouchards. Et les numéros étaient affichés partout, sur les autobus, sur les murs, sur les postes de police. Ça marchait ? D'après les autorités, la police recevait 100 d'appels par jour. C'est quand énorme. Oui, mais il faut relativiser. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'appels sans intérêt, ou d'autres qui n'avaient pour but que d'intoxiquer la police. En lui donnant de faux tuyaux ? Bien sûr. Toutefois, l'IRA avait pris cette menace au sérieux et avait entrepris de détruire systématiquement les cabines téléphoniques publiques. Et dans l'enquête sur la mort de Mountbatten, cet appel à la délation donne des résultats ? En tout cas, 3 jours seulement après l'attentat, 2 suspects sont arrêtés par les forces antiterroristes de Dublin. Qui sont-ils ? Des chevaux de retour du mouvement indépendantiste. Ils ont été vus dans les parages du château de Mountbatten. L'un d'eux sera condamné car c'est un spécialiste des bombes à retardement. Mais l'autre sera relâché, faute de preuves. Un demi-échec, non ? Mais il sera suivi d'un véritable coup de filet dans les milieux proches de l'IRA. Des 100 personnes sont arrêtées. Sans grand résultat non plus. Les terroristes du commando avaient pris toutes leurs précautions. Mais ce n'est pas ça qui compte. Alors quoi, alors ? Ce sont les motivations de ces terroristes. Vous l'avez déjà expliqué ? Je veux dire les vraies motivations. Alors allez-y, je vous écoute. Lord Mountbatten est mort parce que 2 mouvements irlandais étaient en concurrence. Et vous avez dit que c'était l'IRA qui avait organisé l'attentat ? Bien sûr. Mais si l'IRA est passée à l'action contre Mountbatten, c'est que l'organisation voulait asseoir spectaculairement sa suprématie. Et sa suprématie, mais par rapport à quel autre mouvement? Vous vous souvenez de l'affaire des Irlandais de Vincennes? Bien sûr, on en a parlé il y a 15 jours. Ben, ces trois Irlandais appartenaient à une organisation plus radicale que l'IRA, l'INLA. Ben, je me souviens, oui. Or, c'est l'INLA, la branche armée du Parti Socialiste Républicain Irlandais, et non l'IRA qui a assassiné l'ami de Margaret Thatcher. Owen Neave. Oui. Un attentat très audacieux et minutieusement préparé. Il fallait donc que l'IRA riposte en attaquant une cible encore plus prestigieuse. Mountbatten. Oui. Et à un moment particulièrement symbolique, le 10e anniversaire des premiers troubles de Londonderry et de l'arrivée des troupes britanniques en Irlande du Nord. Vous comprenez maintenant? Oui, mais vous avez des éléments de preuve, là? Un seul, mais il compte. Le jour même de l'attentat contre Mountbatten, les deux organisations rivales en ont revendiqué presque en même temps la responsabilité. La concurrence se poursuivait. Mais devant les médias cette fois-ci. Alors j'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas, que la mort de Mountbatten avait aussi pour but d'embarrasser le gouvernement de Dublin. Un gouvernement toujours partagé entre ses sentiments nationalistes et sa volonté de garder de bons rapports avec Londres. L'attentat avait donc pour objet de contrarier aussi ses bons rapports. Naturellement, et devant tous ces arguments, la mort d'un vieil homme et de deux enfants ne pesait pas lourd. Un commentaire sur ce dernier point. Je l'ai relevé dans le journal Le Monde du 29 août 1979, en voici un extrait. Mais surtout, il est presque inévitable que l'attentat jette un froid, au moins temporaire, sur les relations habituellement cordiales entre les deux pays et rende la vie difficile pour les milliers de ressortissants irlandais qui travaillent en Grande-Bretagne. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Mme Thatcher, il existe en fait des rapports étroits et amicaux entre le ministre des Affaires étrangères d'Irlande, M. O'Kennedy, et le secrétaire d'État pour les affaires de l'Ulster, M. Humphrey Atkins. Il était en effet tentant, pour l'IRA, de mettre un terme à ces bonnes relations. Je voudrais revenir sur une émission récente consacrée à la mort du général Ayrey dans un accident d'avion en mai 1968. Un accident qui aurait peut-être été la conséquence d'un sabotage afin d'éliminer celui qui avait été l'un des principaux artisans de la force de frappe française. Monsieur X, il me l'a dit franchement, ne croit pas à la thèse de l'attentat, mais à dénoncer les manœuvres de désinformation qui ont entouré cet accident. Je n'y reviens pas. Depuis la diffusion de cet entretien, j'ai reçu beaucoup de courriers. Je citerai deux lettres particulièrement intéressantes. C'est d'abord la sœur du commandant de bord, Maurice Pradier, qui m'écrit. Elle précise que le pilote, par deux fois, a demandé au général de retarder son départ. Ce soir-là, la météo était en effet exécrable. Mais Ayrey n'a rien voulu savoir. Il devait partir. Une précipitation suspecte, dit-elle. D'autre part, la sœur de cet aviateur évoque la censure qui a été imposée par l'armée à propos des circonstances de l'accident. Autre son de cloche. Monsieur Delétang, alors capitaine de l'armée de l'air, a été l'un des membres de la commission d'enquête. C'est lui en particulier qui a expertisé un appareil, l'indicateur attitude, un système qui indique l'assiette de l'avion. Il a constaté que l'appareil était encore plombé, donc il n'avait pas été trafiqué. En le démontant, il s'est aperçu qu'il était défectueux car la bille de régulation accrochait et était légèrement envalisée. Ce dysfonctionnement entraînait le pilote, qui se fiait à ses seuls instruments de bord puisqu'il faisait nuit, à virer en permanence à droite alors qu'il avait l'impression de voler tout droit. Monsieur Delétang ajoute enfin que sur un DC-6, il est impossible, même avec l'intention de nuire, de croiser les câbles de gouverne comme certains l'ont prétendu après l'accident. D'ailleurs, écrit-il, ce sabotage aurait été aussitôt décelé lors de la préparation pour le vol préalable au décollage. Merci à ces fidèles auditeurs et à samedi prochain, je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.